Quatrième pièce de théâtre, Le Chandelier, de Musset, 1835. Le capitaine Clavaroche, amant de Jacqueline, a failli être surpris dans la chambre de celle-ci par son mari, le notaire Maître André. Pour écarter les soupçons de Maître André, Jacqueline, sur l'ordre de Clavaroche, doit employer un subterfuge, rendre amoureux d'elle un des trois clercs de son mari. Un petit jardin. Fortunio, Landry, Guillaume, les trois clercs, assis. Fortunio. Vraiment, cela est singulier, et cette aventure est étrange. Landry. N'allez pas en jaser, au moins. Vous me feriez mettre dehors. Fortunio. Bien étrange et bien admirable. Oui, quel qu'il soit, c'est un homme heureux. Landry. Promettez-moi de ne rien dire. Maître André me l'a fait jurer. Guillaume. De son prochain, du roi et des femmes, il n'en faut pas souffler le mot. Fortunio. Que de pareilles choses existent. Cela me fait bondir le cœur. Vraiment, Landry, tu as vu cela? Landry, c'est bon, qu'il n'en soit plus question. Fortunio, tu as entendu marcher doucement? Landry, à pas de loup, derrière le mur. Fortunio, craquer doucement la fenêtre. Landry, comme un grain de sable sous le pied. Fortunio, puis sur le mur, l'ombre d'un homme, quand il a franchi la poterne. Landry, comme un spectre, dans son manteau. Fortunio, et une main derrière le volet. Landry, tremblante comme la feuille. Fortunio, une lueur dans la galerie, puis un baiser, puis quelques pas lointains. Landry, puis le silence, les rideaux qui se tirent et la lueur qui disparaît. Fortunio, si j'avais été à ta place, je serais resté jusqu'au jour. Guillaume, est-ce que tu es amoureux de Jacqueline? Tu aurais fait là un joli métier. Fortunio, je jure devant Dieu, Guillaume, qu'en présence de Jacqueline, je n'ai jamais levé les yeux. Pas même en songe, je n'oserais l'aimer. Je l'ai rencontré au bal une fois. Ma main n'a pas touché la sienne. Ses lèvres ne m'ont jamais parlé. De ce qu'elle fait ou ce qu'elle pense, je n'avais de ma vie rien su. Sinon qu'elle se promène ici l'après-midi et que j'ai soufflé sur nos vitres pour l'avoir marché dans l'allée. Guillaume. Si tu n'es pas amoureux d'elle, pourquoi dis-tu que tu serais resté? Il n'avait rien de mieux à faire que ce qu'a fait justement Landry. Aller compter nettement la chose à Maître André, notre patron. Fortunio. Landry a fait comme il lui a plu. Que Roméo possède Juliette. Je voudrais être l'oiseau matinal qui les avertit du danger. Guillaume. Te voilà bien avec tes fredaines. Quel bien cela peut-il te faire que Jacqueline est un amant? C'est quelque officier de la garnison. Fortunio. J'aurais voulu être dans l'étude. J'aurais voulu voir tout cela. Guillaume. Dieu soit béni. C'est notre libraire qui t'empoisonne avec ses romans. Que te revient-il de ce conte, d'être gros Jean comme devant? N'espères-tu pas, par hasard, que tu pourras avoir ton tour? Eh oui, sans doute. Monsieur se figure qu'on pensera quelque jour à lui. Pauvre garçon. Tu ne connais guère nos belles dames de province. Nous autres, avec nos habits noirs, nous ne sommes que du fretin, bon tout au plus pour les couturières. Elles ne tâtent que du pantalon rouge. Et une fois qu'elles y ont mordu, qu'importe que la garnison change. Tous les militaires se ressemblent. Qui en aime un, en aime cent. Il n'y a que le revers de l'habit qui change. Et qui de jaune devient vert ou blanc. Du reste, ne retrouvait-elle pas la moustache retroussée de même, la même allure de corps de garde, le même langage et le même plaisir? Ils sont tous faits sur un modèle. À la rigueur, elles peuvent s'y tromper. Fortunio, il n'y a pas à causer avec toi. Tu passes tes fêtes et tes dimanches à regarder des joueurs de boules. Guillaume, et toi, tout seul à ta fenêtre, le nez fourré dans tes giroflées, voyez la belle différence. Avec tes idées romanesques, tu deviendras fou allié. Allons, rentrons. À quoi penses-tu? Il est l'heure de travailler. Fortunio, je voudrais bien avoir été avec Landry cette nuit dans l'étude.